Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2019, jour marquant le 339e jour de l'année. Notre prière que les 26 jours à venir vous comble de joie et de grandes bénédictions. Le lecteur de la Bible 2019 nous propose la lecture de Jérémie chapitre 25, les versets 1 à 14 pour notre dévotion matinale. La prophétie de Jérémie 25 est datée de la 4e année de Nebuchadnezzar, soit à l'an 605 avant Jésus-Christ, l'année où les Babyloniens vainquirent les Égyptiens à Carchémish, obligeant du même coup Juda à prêter serment d'allégeance à la nouvelle puissance montante. Cela faisait déjà 23 ans que Jérémie prophétisait depuis le règne de Josias, le dernier roi fidèle. Le début de la suprématie babylonienne est pour Jérémie l'occasion rêvée de rappeler certains de ses thèmes principaux. Un aperçu de la désobéissance chronique du peuple, un survol des avertissements à ne pas servir d'autres dieux, le refus du peuple d'écouter les paroles de l'Éternel. Nous recevons avec beaucoup de plaisir l'apôtre Kinda Moïse. Il est accompagné par le pasteur Edvis Kinda. Ils sont de la mission, la vision apostolique Eva, située à Kumasi, Zoué, Bruno. À la présentation, votre serviteur Adombi Alex Pacom, la mise en nom de la fée d'Emmanuel Yao et d'Edouard Yao. Sans plus tarder, nous allons prier avec le pasteur Edvis Kinda. Tendre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce jour merveilleux. Merci parce que Seigneur, tu nous fais don de ton amour. Voici que nous voulons comprendre, connaître ta parole, ta pensée, afin que cette journée, Seigneur, soit graciée par ton amour. Merci de disposer les cœurs pour l'écoute de ta parole. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'écouter Méditons ensemble, Jérémie chapitre 25, les versets 1 à 14, le texte que nous vous proposons par rapport au lecteur de la Bible. Nous sommes à l'étape de la lecture, nous lisons donc ce passage dans la version de la Bible Louis II, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous les serviteurs, les prophètes, et les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Verset 5. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Verset 7. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie de ruines éternelles. Verset 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Verset 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Versets 13 et 14, pour mettre fin à notre lecture, je ferai venir sur ce pays toutes ces choses que j'ai prononcées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes ces nations, car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Amen. Amen. Merci de continuer la route avec nous, chers amis auditeurs. Grand merci à vous qui nous suivez depuis le début de l'année. Nous bénéficions de l'assistance technique d'Emmanuel Yao, qui est assisté par Edouard Yao à ce microphone, votre serviteur Adombi Alex Pacom. Pour ce jour, nous lisons Jérémie chapitre 25, les versets 1 à 14. Bonjour, pasteur Edwige Kinda. Bonjour, frère Adombi. Bonjour, apôtre Kinda. Bonjour. Alors hier, nous avions lu avec vous Jérémie 24, les versets 1 à 10. On va revenir sur le rappel des enseignements du texte d'hier qui nous a parlé de la vision des deux paniers remplis de figues. Alors tout simplement, ce message qui est une vision que Dieu communique à son prophète, le prophète Jérémie, qui parle véritablement de deux paniers déposés devant le temple, mais qui était synonyme également de l'analyse de Dieu de l'état des lieux. Oui. Et nous avons vu que Dieu a fini par apporter sa justice donc sur la nation de Juda exilée et sur le reste du peuple qui était à Jérusalem. Alors, et donc, nous avons vu que dans ce texte, Dieu a véritablement apporté son jugement. Oui. Et on a retenu comme ça que Dieu voulait que nous ayons un cœur qui lui est obéissant, mais aussi nous avons retenu que Dieu fait grâce à qui il veut, comme aux exilés. D'accord, le texte d'aujourd'hui, c'est le chapitre 25 de Jérémie que nous lisons. Sont concernés les 14 premiers versets. Alors, de quoi nous parle ce texte? Alors, dans le texte d'hier, nous avions dit que c'était le 10e message donc, de Dieu par le canal du prophète Jérémie à la nation de Juda. Et le chapitre 25, les versets 1er au verset 14, ici, relate la question du 11e message également de Dieu à Juda. Et ce texte nous parle tout simplement de l'annonce de l'exil de 70 ans de la nation de Juda à Babylone. D'accord. Nous allons observer le texte de plus près tout à l'heure avec les détails de ce texte. Ensuite, il sera question de l'interprétation vers la fin de l'émission. Nous allons proposer la conclusion avec les pistes d'application. On va continuer donc notre observation. Premier mouvement proposé par nos invités ici en studio, le verset 1 à 6, avertissement de Dieu. Deuxième mouvement, le verset 7 à 15, châtiment de Dieu. On va commencer par le premier. Alors, premier mouvement, les versets 1 à 6, avertissement de Dieu. Et puis, deuxième mouvement, les versets 7 à 14, châtiment divin. Commençons par le premier mouvement, les 6 premiers versets, apôtre Kinda, avertissement divin. Alors, dans l'avertissement divin, nous voyons que Dieu a utilisé son prophète. Et le prophète fait une notion du facteur temps. Oui. Il parle de 23 ans de prophétie. C'est quand même long, hein? C'est quand même long, oui, disons. Oui. Et pendant ces 23 ans, ils ont tous été têtus. Personne n'a osé écouter la voix de Dieu par le canal du prophète Jérémie. Et donc, là, Dieu avait pris le soin, mais aussi en dehors du prophète Jérémie, Dieu a utilisé d'autres prophètes pour parler à la nation de Juda. Alors, pendant que nous sommes en train de parler ici dans cette méditation, souvenons-nous que là, au moment où Dieu parle par le canal du prophète Jérémie, la nation qui a gardé le nom d'Israël, les 10 tribus qui sont au nord, sont en exil. Oui. Et donc ici, Dieu a prévenu pendant 23 ans, c'est beaucoup long, mais ça montrait encore le coup raide du peuple de Juda et qui ne s'est pas soumis. Et donc Dieu va prévenir, il a prévenu, et maintenant je pense qu'il est temps pour lui de passer à autre chose. D'accord, on voit les grands thèmes des prophètes de l'Ancien Testament à partir du verset 5. Hein, revenez chacun de votre mauvaise voie, de votre méchanceté, la méchanceté de vos actions. Il est dit au verset 6, n'allez pas après d'autres dieux, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est vraiment ces thèmes récurrents qui ont été prêchés pendant 23 ans. Alors, comme je le disais tantôt, Israël, un peuple au coup raide. Et voici, pendant 23 ans d'insistance de la prophétie de Dieu, et comme la Bible dit, hein, quel que soit le temps, la prophétie finira par s'accomplir. Et donc, ici, le verset 5 nous montre la persistance de Dieu. Aussi, ça nous montre la manifestation de l'amour même de Dieu. Oui. Dieu désirait tant que les pécheurs lui reviennent. Dieu désirait tant qu'on n'ait pas d'idolâtrie, voilà, dans sa nation. Mais malheureusement, ceux-ci n'ont pas obéi à la voix de Dieu, bien qu'il y ait le désir de les ramener à lui. D'accord. Alors, j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité ce pays. C'est ce que Dieu dit notamment au verset 5. On voit que les descendants n'ont pas su garder cette promesse en héritant le Seigneur. Oui, effectivement. Quand on lit ce texte, tout à l'heure, il a parlé de l'amour de Dieu. Dieu s'est choisi un peuple et Dieu a aimé ce peuple. Et Dieu les a conduits dans de vrais pâturages et Dieu leur a donné des interdits. Mais jusque l'on a vu que ce peuple n'a pas gardé cette relation avec Dieu, oui. Mais ils ont cherché toujours à faire ce que Dieu ne voulait pas. Oui. Voilà, savoir l'idolâtrie. Et cela s'est transposé de génération en génération. Parce que les enfants aussi ont suivi les traces des pères. Oui. Et là, c'est désolant. Ici, le prophète qui dit, je vous ai parlé matin, je vous ai parlé le soir avec d'autres prophètes. Ça montre l'amour de Dieu, en fait. Pour dire, je vous ai pourtant prévenu. Je vous ai montré le chemin, je vous aime. Repentez-vous. Mais ça n'a pas été le cas parce que c'est un peuple vraiment rebelle, un peuple au cou raide. Voilà. L'avertissement de Dieu va faire place au châtiment. Nous sommes au verset 7 à 14, châtiment divin. Châtiment divin, tout simplement parce que, comme tantôt le pasteur Edwige Kinda venait de le dire, Dieu, il est amour, il a insisté dans la manifestation de son amour. Et n'oublions pas que Israël est une nation créée, même si elle a été scindée. Mais il y a la question toujours du monothéisme qui demeure. Et là, quand il les défend d'aller vers d'autres dieux, il leur dit carrément, ne me comparez pas. Dans Exode, il dit qu'il est un dieu jaloux. N'insérez pas le polythéisme dans ma nation. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas cru. Et là, Dieu va passer à l'acte. Et donc, tout simplement, dans le châtiment divin, il va le faire à l'endroit donc de la nation de Juda. Voilà, de verset 7 au verset 11, il juge la nation de Juda. Et là, ce qui est intéressant, il va se susciter un instrument. L'instrument qu'il appelle mon serviteur, et ça peut sembler contradictoire pour nous, croyants. Et il appelle Nebuchadnezzar mon serviteur. C'est l'instrument de justice de Dieu. Comme nous pouvons le voir à travers l'Ancien Testament, Dieu avait trois types, que moi j'appelle trois types de chicotes pour la nation d'Israël. Il parlait de la peste, donc de la maladie, de la famine, et aussi, il peut voir susciter ton ennemi. Et ici, il va susciter l'ennemi qui est Nebuchadnezzar comme instrument de châtiment pour la nation de Juda. Et dans le deuxième élément de châtiment, donc de notre texte, des versets 12 au verset 14, il parle avec une figure de style. Il va châtier l'instrument du châtiment. Donc, comme pour dire, une coupe de vin de ma colère, non pas cette fois-ci de la nation de Juda, mais à l'endroit de Babylone par Nebuchadnezzar. Voilà, ici, on dirait que Dieu venge son peuple. Il venge son peuple après avoir utilisé cet ennemi comme une chicotte. Il venge encore son peuple. On voit là que Dieu est vraiment souverain. D'accord. Il fait ce qu'il veut. Et on voit apparaître dans ce texte 70 ans que Israël va passer, n'est-ce pas, en Babylonie avant de revenir dans son pays. Oui. Bien sûr, c'est encore le offre, comme on pouvait le dire, le comble de cet exil-là, de ce jugement, de ce châtiment de Dieu. 70 ans d'exil, c'est pas 70 jours. C'est ça. On dit qui aime bien, châtie bien. Dieu, avant de punir, il prévient. Il faut dire qu'il a prévenu ce peuple-là. Voilà, puisque ce peuple s'est entêté, il fallait qu'il établisse sa justice parce qu'il est justice. D'accord, Jérémie chapitre 25, les versets 1 à 14, c'est le texte que nous lisons, chers amis auditeurs. L'interprétation intervient à ce stade de l'émission. Alors, qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Alors, dans la question de l'interprétation, nous pouvons simplement dire que Dieu avertit toujours un homme ou un peuple avant de le châtier. D'accord. Dieu ne châtie pas des ignorants. Alors, il punit la désobéissance. Dieu punit la désobéissance et il désire aimer un cœur repentant. Voilà. Et aussi que Dieu peut utiliser notre ennemi pour nous ramener à lui. Parce qu'il dit tout simplement qu'il châtie bien celui qu'il aime. Je pourrais ajouter aussi que Dieu déteste l'idolâtrie. Voilà. Il ne partage pas sa gloire. C'est un Dieu jaloux. quoi, parce que c'est l'idolâtrie vraiment qui était le off, oui. Voilà, qui a poussé Dieu à châtier ce peuple qu'il a pourtant créé et qu'il aime bien. Voilà. D'accord. On va passer maintenant aux avertissements à considérer par rapport à ce texte. Alors, relativement à ce texte-là, on peut dire Dieu nous parle, hein, et ça nous parle encore aujourd'hui, c'est d'actualité. Oui. Ne jamais mépriser une prophétie d'un serviteur de Dieu ou ne jamais mépriser un serviteur de Dieu lui-même. Donc, ne jamais mépriser une prophétie ou un serviteur de Dieu. Ne jamais aimer l'idolâtrie. Voilà. Et que aussi, le facteur temps doit nous amener à la repentance et non à l'orgueil. Ne pas faire la sourde oreille face à la parole de Dieu. Voici quelques avertissements que j'ai pu souligner ici dans le texte. D'accord. Je peux rajouter que, comme avertissement, Dieu également, il est souverain. Mmh. Il fait ce qu'il veut et il crée l'adversité. Mmh. Parce que ici, c'est lui qui a suscité. Et Nebuchadnezzar. Ouais, Nebuchadnezzar, en fait. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter. D'accord. Alors, parce que Kinda, on va revenir sur ce que vous avez dit. On ne doit pas mépriser la prophétie. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de prophéties. Quelquefois, les prophéties se contredisent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout simplement, nous devons avoir ce qu'on appelle le discernement. Mmh. Le discernement qui nous est octroyé par le Saint-Esprit. Oui. Et donc, le discernement n'est que la conséquence de notre consommation de la parole de Dieu. Mmh. Et quand on consomme véritablement la parole de Dieu, on est poussé par l'esprit à discerner si une prophétie donnée est de Dieu ou pas. Mmh. Et une prophétie donnée par l'esprit de Dieu a des caractéristiques. On parle de la prophétie de Dieu, elle l'édifie, elle console, elle fortifie. Oui. Voilà, c'est pas des prophéties qui viennent pour humilier, mm-hmm. parce que Dieu n'humilie pas en tant que tel. Oui. Il est amour. Et donc, il faut chercher à avoir le discernement, et le discernement n'est que la conséquence de la consommation de la parole de Dieu. D'accord, merci apôtre Kinda pour cet éclairage. Jérémie chapitre 25, les versets 1 à 14. Voilà, venu l'heure de conclure cette émission avec l'application. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement de ce texte? Alors, ce que moi je veux bien retenir, mais je vais laisser pasteur Kinda Edwige parler. D'accord. Ici, on a vu que Dieu détestait l'idolâtrie. Mmh. On peut contextualiser également aujourd'hui, c'est oui. quoi l'idolâtrie? C'est quoi? Oui. L'idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. C'est ça. Voilà. Ça peut être soit le boulot, mmh. parce qu'à cause du boulot, on n'a plus le temps pour le Seigneur. Mmh. Ça peut être aussi l'argent qui prend la place de Dieu dans notre vie. Oui. Voilà. Et je pourrais... Parler du sexe. Oui, également aussi. Oui. Et le sexe qui est un peu partout. Voilà. Donc, je dirais que ce test est encore d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus de Dieu. Mm-hmm. Puisqu'on le remplace par beaucoup de choses, comme j'ai cité plus tôt. Alors, face à notre refus d'obéir à sa parole, Dieu peut nous susciter un ennemi. Oui, un ennemi. Comme un instrument de son châtiment. Parce que Dieu, comme l'a dit le pasteur Edwige Kinda, n'aime pas l'idolâtrie. Mm-hmm. Et si, à cause de l'amour qu'il a pour nous, dans l'optique de nous ramener à lui, il peut susciter n'importe quel instrument. Et comme je pouvais le dire, à chacun son chemin de Damas. Oui. Voilà, son chemin de Damas, tout simplement parce que sur ton chemin de Damas, ça peut être la maladie que Dieu va utiliser pour te ramener. Ça peut être la perte de ton emploi qui était ton idole. Mm-hmm. Ça peut être aussi toute autre chose qui peut venir freiner ton élan dans ce que tu croyais être ton idole. Et Dieu va te ramener par un instrument qui s'est choisi lui-même parce qu'il t'a aimé, parce qu'il veut encore communier avec toi, il te veut dans sa présence. Ok, je pourrais rajouter comme ça que n'oublions pas que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Amen. Voilà, donc ce que Dieu désire, c'est que nous soyons toujours dans sa présence, que rien ne vienne prendre la place de notre Dieu parce que nous veut dans la relation. Amen. Alors, apôtre, on va terminer par la prière. Est-ce qu'il y a un sujet de prière qui vous vient en tête? Oui, il y a un sujet de prière qui me vient en tête. C'est tout simplement que la crainte de Dieu s'empare des cœurs. Que la crainte de Dieu s'empare des cœurs parce que lorsque le cœur il est touché, comme le dit le pasteur Edwige Kinda, Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Oui. Et donc, c'est à partir de notre cœur que tout se fait. Et si dans notre cœur, il y a véritablement la crainte de Dieu, que tout ce qui domine notre cœur, notre être, c'est la crainte de Dieu. Je pense que véritablement, nous allons voir de bonnes choses, de grandes choses également que Dieu nous a réservées. D'accord, on va laisser le soin au pasteur Edwige Kinda de prier. Seigneur, nous avons écouté ta parole en ce jour. et nous voulons te dire infiniment merci. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ta grâce encore de continuer de t'aimer. Aide-nous Seigneur à nous détacher de l'idolâtrie qui a pris une autre forme. Aide-nous Seigneur à nous rapprocher de toi parce que tu nous veux de l'adoration, tu nous veux de la sainteté de cœur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps. Donne à ton église d'être encore plus forte. Donne à ton peuple Seigneur de revenir à toi. Parce que tu reviens très bientôt. Nous voulons te dire infiniment merci Seigneur. Parce que ta parole nous fait énormément de bien. Donne-nous de t'aimer, de fuir l'idolâtrie, de fuir le péché. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Obstination au péché, conséquence. C'est le titre de la note explicative au texte de Jérémie 25, versets 1 à 14. À lire à la page 146 et 147 dans le lecteur de la Bible. Nous avons reçu avec beaucoup de plaisir l'apôtre Moïse Kinda et le pasteur Edvis Kinda de l'église de la Vision Apostolique Eva, située à Kumasi, Zoué, Pruno. Nous serons très heureux de le recevoir très très prochainement avant la fin de l'année. Dès demain, nous allons recevoir Monsieur Zahiri Ziki Sébastien pour la lecture de Jérémie chapitre 25, les versets 15 à 38. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Emmanuel Yahou pour la mise en œuvre de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.